C'était sûr, je l'avais prédit. Enfin, un peu plus tôt ou un peu plus tard, je me tiens à vos ordres, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma carte. Veuillez me faire l'honneur de la prendre. C'est bien, je vous ferai savoir mes intentions. Allez-vous-en. Excusez-moi, je serai naturellement bien à l'aise de savoir ce que vous comptez faire. Oh, je ne vous interroge pas. Une telle familiarité ne serait sans doute pas de saison. Cependant, en un mot, monsieur, je ne suis pas sans inquiétude. Vous êtes violent, et je ne sais jusqu'à quel point j'ai le droit de vous laisser seul avec une femme qui... que... Vous allez commencer par vous taire. Un mot encore, je dis on. Un seul, c'est clair, n'est-ce pas? Un seul mot. Je vous empoigne par le fond de la culotte et je vous envoie par cette croisée voir l'épaule. Permettez. Silence, taisez-vous! Si un instant vous pouviez deviner ce qui se passe en moi à cette heure, si vous pouviez supposer à quelle force de volonté je me retiens et je me cramponne, ah, je vous le certifie, je vous le jure, vous verdiriez à la pensée de seulement entrouvrir la bouche. Oui, vous seriez terriblement imprudent de vous obstiner à parler après que je vous en ai fait la défense. Et c'est un bonheur pour nous deux, un grand bonheur que je me connaisse. Allez-vous-en. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je suis un homme très malheureux et dont il ne faut pas exaspérer le chagrin. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Un galant homme est toujours un galant homme, même le jour où certaines circonstances de la vie l'ont mis dans la nécessité de se cacher dans un bahut. Il arrivera ce qui arrivera, mais je quitterai cette maison quand j'aurai reçu de vous l'assurance que vous ne toucherez pas à un seul cheveu de la personne qui est là. Je vous en demande votre parole d'honneur, et c'est le moindre de mes devoirs. Vous êtes extraordinaire, vous me permettrez de vous le dire, avec vos airs de me mettre à la porte d'une maison qui n'est pas la vôtre. Et si je veux bien me rendre à vos ordres, eu égard à votre état d'exaltation, vous ne seriez moins fier, convenez-en, que de céder à ma prière. Oh, je vais faire un malheur. Faites-le. Partez. J'ai votre parole? Oui. J'en prends acte. André revient à son armoire, prendre ce qui lui appartient. Ses livres, ses journaux, sa trompe et sa peau de daim. Une boîte d'allumettes se trouve là, scrupuleux, il la restitue à sa légitime propriétaire, laquelle le regarde faire sans un mot, tandis qu'il dépose la boîte sur la petite table à ouvrage en murmurant. Les allumettes. Revenu au meuble, il prend son peigne dont il se peigne, puis sa brosse dont il se brosse, plante le peigne dans l'écrin de la brosse, se loge la brosse sous le coude gauche, après quoi salement Boubouroche et Adèle avec le plus grand respect. Madame. Monsieur. Qui est cet homme? Est-ce que je sais, moi?